j'ai pas trop perdu la main, on dirait. Vous êtes là, mon minou ? Professeur Dambanawa, je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça en public. Vous avez les mains en sang, laissez-moi vous panser la plaie. Oh, professeur, quel charmant vous faites. Mais je vous signale que c'est vous qui avez explosé la moitié des lampadaires de la rue. Quel langage, professeur Madame Ingall, ça m'épate. Trêve de plaisanterie, hein. Le colis est livré quand? Ça ne devrait pas tarder, je pense. Et vous, vous avez observé la famille de Cascu? Oui, professeur, mais vous êtes certain que le jeune Pawa soit entre de bonnes mains ici? Certes, ils ont un penchant pour les comics, mais on n'a pas trop le choix, c'est son oncle et sa tante, après tout. Ne me dites pas que vous avez confié le colis à ce gros mammouth! Qui est gros mammouth? Alors, Arid, le voyage n'a pas été trop long? Si, j'en ai la gorge toute sèche. Vous avez le colis? Oui, 4 prostituées japonaises, et je vous fais cadeau des uniformes d'écolières. Non, je ne parle pas de la commande, je parle du colis. Ah, celui-là? Vous avez le mot de passe? Évidemment, un steak. La cuisson? Lente à petit feu. C'est bon. Ces types sont sacrément arrivés, hein? Le voilà, le petit Hachipoa. J'ai dû m'asseoir dessus pendant le vol, par contre. En effet, on dirait qu'il a une cicatrice en forme de Dragon Ball sur le front. Il a dû s'endormir sur un bouton de mon manteau. Bon allez, Collard, sonne ! Ah ouais, bien vu, la vanne ! Il vous manque une case, la vioque, il est 2h du mat. Je vais leur laisser un mot. Cher Venom et Pecunia Bentley, comme prévu, je vous laisse sur le palier votre neveu Hachi pour les 10 prochaines années. Veillez à son confort et à sa sécurité jusqu'à ce qu'il soit prêt à aller à Jobar, l'école des otaku. Sayonara, Jabus Dambanawa. Non mais c'est totalement has-been la lettre, on aurait pu leur envoyer un email. Allez, c'est ma tournée de saké. Yeah! 10 ans plus tard. Debout, cousin, on va à l'expo. Hein, quoi? Va préparer le petit déjeuner, fainéant. Oui, oncle Venom. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bidley, alors tâche de ne rien faire qui pourrait nous cacher la journée. Et redresse-toi un peu! En fait, c'est les pavés dehors, ils me font mal au dos ces temps-ci. T'as qu'à te plaindre à celui qui a écrit ta lettre. Je vous laisse sur le palier votre neveu Hachi pour les 10 prochaines années. Hein, si jamais je l'attrape ce type, je lui balance un marteau de 100 tonnes à la gueule. Y en a combien? 36! Je les ai comptés moi-même! 36? Mais l'an dernier j'en ai eu 37! Mais certaines sont nettement plus grosses! Je m'en fous de ça! Il en veut pour son argent, le bougre, hein? C'est bien le fils de son père. Mais ne t'inquiète pas, j'irai t'acheter 2 autres cadeaux après l'exposition de comics. Un 357 Magnum, et le jeu que tu voulais. Banal Fantasy? Excellent! Oula, on va être en retard! Pecunia, prépare les BD, j'en ai plein à faire dédicacer. Tout de suite, mon chéri! Pawa? Oui, oncle Venom? Je te préviens, si tu fais quelconque allusion à la culture japonaise, je te fais bouffer des sushis périmés par paquet de 10. C'est noté. Ouah, dis papa, on va au stand Marvel? Tout de suite, mon garçon, tout de suite. Eh, c'est sympa ici. Enfin, c'est pas la Japan Expo non plus. Eps. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh, je vois que t'es un fan de manga. Je t'ai même fait tatouer une boule de cristal sur le front. Bah en fait, c'est pas tout à fait ça, mais bon... Ça te dit d'essayer un truc? Ouais, j'ai rien de mieux à faire. Bon alors, tu montes tout en haut de l'escalier, et tu dis « Yatta » au type au crâne rasé avec une carapace sur le dos. Ok. Yatta. Alors les jeunes de nos jours, vous êtes vraiment des casse-cou, hein. Je suis pas sûr de comprendre, là. Enfile cette combinaison. Voilà. Tu tires sur la poignée de la poche arrière et bonne chance. La poignée, elle est où, la poignée? Qu'est-ce que... Un parachute avec une image porno? Un manga, qui plus est. C'est affreux. Hachibawa, descends d'ici tout de suite. Merde, je savais que c'était une mauvaise idée. Bravo, tu as gagné. Midley est traumatisé par ta faute. Tu rigoles, je te signale que les 36 filles dans la cuisine sont toujours là, hein. C'est pour le consoler. Va t'asseoir, mon Midley douché. Hé, hey, Midley, on dirait que la table est bancale. Trop, c'est trop. File au palier. Oui, tante Pécunia. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Hé, hey, c'est normal qu'il y ait un chat avec une armure qui nous livre une pizza? Tu n'arriveras pas à gâcher notre journée. Une lettre pour Monsieur Pawa. 4 pour votre drive. Ce n'est pas du palier. Ouais, il parle! Fais-moi penser qu'il faut le piquer. Et je parle pas du chat. Ça alors, le chat vient de régurgiter une enveloppe. En voyant ça, cher Monsieur Pawa, vous venez de gagner un abonnement de 7 ans au Weekly Shonen Jump. Et par la même occasion, une inscription à Jobar, l'école des otaku. Veuillez vous présenter à l'aéroport de Londres dans les délais les plus speed. Bisous, professeur Madame Ingall. Elle s'en compte pas en détail, on dirait. Oncle Venom, j'ai reçu un bon de réduction, qu'est-ce que j'en fais? Entends-moi voir ça, école Jobar, otaku, pas question que je paye le voyage pour ça. Non, mais il a jamais été question de payer quoi que ce soit. Tu vas voir ce que j'en fais de ta lettre, moi. Bien joué, papa. Le chat vient de prendre une nouvelle lettre. Saloperie! C'est pas banal, hein, il y a plein de chats dans la rue en train de dégobiller. What the? Ils ont eu leur compte? Non, mais vous êtes pas taré, vous? T'es qui, toi, gros lard? J'ai dit qu'il irait pas là-bas. Chérie, calme-toi. Vous savez pas combien ça coûte des robots comme ça? En plus, ils sont électroluminescents. Vous êtes qui, monsieur? Cumulus Arid, je m'occupe de tout ce qui touche aux robots mécaniques à l'école de Jobar. L'école Jobar? Qu'est-ce que c'est? Tu le sais pas? Pourtant, je t'ai persuadé. Oh. Tu es un otaku, Hachi. Je suis un quoi? Un otaku, nom de Dieu. Les otaku sont des personnes qui ne vivent que pour leur passion qui concerne le Japon. Mais vous voulez lire les mangas? Pas que ça, mais tu verras bien par toi-même. Il n'ira pas là-bas! Oh oh, et je suppose que c'est un casse-cul de votre espèce qui l'en empêchera. Un casse-cul? Ceux qui n'y connaissent rien à la culture nippone. Je ne paierai pas le voyage. Hé, commence à me gonfler, celui-là. Tu peux répéter? Pékinien. Sors l'échiquier. Cool! Allez, on y va. Premier arrêt, Londres. Ça y est, on est arrivé. Ah ouais, je connais bien ce quartier. Ouais? C'est-à-dire qu'à force de dormir à l'extérieur, on se fait des pattes, hein. Hey, salut, Dan! En fait, c'est à deux pâtés de maison qu'on va. Pas de problème, qu'est-ce qu'on va y faire? On va t'acheter les fournitures scolaires. Il faut savoir qu'il y a quelques otaku qui se la pètent grave parce qu'ils ont assez de thunes pour s'acheter plein de goodies. Mais il faut que tu gardes bien à l'esprit que c'est pas ça qui définit un vrai otaku. De toute manière, je suis fauché. Et c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais otaku? Bah, un bon otaku, il voit un manga, pof, il l'achète. Alors qu'un mauvais otaku, il voit un manga, bah, pof, il l'achète, mais c'est un mauvais otaku. C'est noté. On y arrive, c'est à l'angle de cette rue. Vous vous trompez, Arid, c'est le quartier de Gay de Londres, par là. Justement, personne ne pourrait se douter que la plus grande rue commerçante japonaise se trouve ici. Je vois pas le rapport. Salut mon grand, t'es bien bâti. Viens avec moi, je te montrerai mon gros Khalil. Le mien, il te fait un trou de balle de 9 mm. Tu veux y goûter? Quelle vulgarité! C'est le seul petit souci qu'on a, comme tu peux le voir. Mais ne t'inquiète pas, arrivé sur place, il n'y aura plus de problème. Et on y est bientôt? Non, parce qu'à la base, j'ai que 11 ans, et je sens un traumatisme qui grandit en moi. La rue est cachée, on ne peut y pénétrer qu'en passant par un karaoké. Attention à la visite! Ah, voilà, on y est. La rouge gorge. Tu m'en diras tant. Non, il vaut mieux pas que t'entres là-dedans et ils font pas les tarifs étudiants. Regarde plutôt l'ancienne à droite. Le Nippon chanteur. Franchement, c'est pas mieux, hein. Ah, monsieur Reed, bienvenue, bienvenue. De vous taire comme d'habitude, double attaqué avec l'outil, piquette ou une poudre de bambou. Quelle dédite! Pas aujourd'hui, Gom. Je viens faire des courses avec Hachi. Oh, tes cicatrices en forme de Dragon Ball de le font. Carmet ta main! T'es bien sûr! T'es Steve Power! Hachi Power? Le fils de Jace et Vivi? Power? C'est une grande joie. Oh, bonjour, professeur Kigel. Je ne vous avais pas vu. Salut! Hachi? Le professeur Kigel enseigne la censure contre les mangas hentai à l'école des Jobards. Une matière aussi pas passionnante que ça fait effrayante. Non, que vous en ayez besoin, pas moi. C'est vous qui le dites. Bon, eh bien, on se revoit là-bas, professeur. D'accord. Gom, il te reste des places libres pour le karaoké? Mais oui, bien sûr. Et au plaisir de vous revoir, monsieur Boa. Ciao. Viens, Hachi, on va voir s'il y a une salle de libre. Dis, Tarid, pourquoi tous ces gens me connaissent? Je crois que je ne suis pas le mieux placé pour te répondre. Ça a quelque chose à voir avec ma cicatrice? Non, ça c'est moi qui te l'ai faite quand t'étais gamin. C'est vous qui m'avez défiguré comme ça? C'est très kawaii, tu vas faire tourner toutes les têtes avec ça. Non mais vous foutez de ma gueule? Ah, on arrive à une salle. Ah, il peut rien pour attendre celui-là. Le dragon, rétro-laser en action. Ah, désolé monsieur. On va essayer celle-là. Aïe, qui est Naïdemo? Ani du tsuto, sagashi teta. Professeur Dumbanawa, mais qu'est-ce que vous foutez là? Fermez la porte, Arid! Je loupe le meilleur passage! Voilà, cette salle est libre. Assieds-toi sur ce canapé, Hachi. Bon, vous allez me raconter ce qui cloche avec moi, oui ou non? Plus tard. Pour l'instant, prends ce micro et chante! Non mais arrêtez! Chanter dans un karaoké ouvre un passage secret. Non, en fait, c'est chanter un générique de merde bien compliqué qui ouvre le passage secret. C'est noté. Allez, Hachi, bienvenue au chemin des perverses.